La cérémonie d'ouverture de la semaine des films consacrée à la journée du soleil s'est déroulée le 10 courant au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part les officiels intéressés, les cinéastes et d'autres travailleurs de Pyongyang. Au terme de l'inauguration, les participants ont vu le documentaire « Notre leader vénéré par tout le monde ». La semaine cinématographique est ouverte le même jour dans toutes les provinces.